peu mourir, boire de l'eau à Longueuil. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'en vient? La grippe? Oh non, non, non, non. Bien mieux que la grippe, bien mieux que la grippe. Ça va s'agripper. Ça va être quoi? Ah, quelque chose que l'humain attend depuis que l'humain... Quelque chose qui colle à Baltaflon? Ah, qui colle d'aplomb, non. Non, qui colle sur le teflon. Ah, même pas, parce que le teflon, ça colle pas sur le teflon, c'est du teflon. Quelque chose de bien que l'humain attend depuis longtemps qui s'en vient. C'est quoi? Ah, ça n'a pas de mots. Ça va servir à quoi, ça? Ça a-tu une utilité? Oh, oui. Laquelle? Ça va permettre à certains individus de voir se résumer dans un instant de vie leur passé et leur avenir. Ça va permettre à certains individus de pouvoir devenir des, ce qu'on appelle l'homme nouveau, des surhommes, des surfemmes ou des surenfants relativement rapidement. Et quand je parle de rapidement, je parle de quelques heures. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Ça va être une technique? Non, pas une technique. Non, une mécanique. Mais est-ce que la mécanique, elle existe, mais qu'il n'y a pas encore de mots et d'explication? Certains humains sont à un point tel, dans la conscience mentale, dans l'astral, il y a une pression telle qu'il y a une explosion qui devrait apparaître. Il y a un écœurement dans certains individus tel qu'il y a une explosion massive dans très peu de temps. Ça s'en vient. Maintenant, ce qui arrive, c'est que bien souvent, c'est remis. Pourquoi? Uniquement parce que les individus n'ont pas la capacité d'être suffisamment mentalement en colère, mentalement écœuré, pour supporter le peu de pression qu'il manque. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un, personne ne s'est baptisé de par lui-même. Quand on parle du baptême, on ne parle pas juste d'aller se baigner dans l'eau, là. Mais à un moment donné, le baptême, c'est quoi? C'est la reconnaissance, premièrement. Donc, le Nazaréen doit rencontrer le Baptiste pour se faire reconnaître par le Baptiste. Alors que le Nazaréen lui-même devrait être capable de se reconnaître lui-même? Non. Il y a chez l'humain, dans sa structure, un réservoir qui est capable de supporter une certaine quantité d'énergie. Rendu à un certain niveau, il y a une valve de sécurité pour empêcher que l'individu éclate d'une façon désordonnée. Et j'ai déjà expliqué en conférence réservée aux séminaristes que lorsque les individus doivent éclater, c'est préférable qu'ils éclatent pas seuls. Qu'ils éclatent avec quelqu'un. Et finalement, ce qui arrive, c'est que dans la conscience astrale, dans ce qui conserve l'écœurement, quand tu arrives à un certain niveau, disons que 99% de la pression nécessaire à l'éclatement, c'est la libération totale de l'assujettissement de la conscience humaine à la mémoire. Lorsque tu es à 99% de l'éclatement, la valve de sécurité s'allume. Et là, tu commences à chialer, à te déprimer, en tout cas, tu commences à niaiser. Chaque fois que la pression revient intense, pouf, ça commence à partir. Et c'est là qu'intervient le baptiseur. Lui, il n'a presque pas besoin d'énergie, il met son doigt sur la soupape. Et là, 99 passe à 100% et t'éclate. Et c'est réglé. Et il y a présentement suffisamment d'êtres humains qui sont proches, qui sont dans les 80, 85, 90, certains 95% pleins. Et il faut que ces humains continuent à s'écœurer sans se déprimer, mais on est tout proche, tout proche, tout proche. Un humain y parvient ici, pas un humain qui l'a fait dans le passé comme le Nazaréen, un humain y parvient ici et c'est exponentiel. Est-ce que les personnes qui sont entre 90 et 100, disons, pourraient se mettre le doigt eux-mêmes, sa soupape de sécurité? Non, pour la simple raison que leur doigt est constitué à même l'énergie qui est de trop. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi un humain doit rencontrer un autre qui va lui confirmer. Qu'est-ce que c'est lui confirmer? C'est que je suis sûr que je suis ceci. C'est vrai, c'est clair. Je suis sûr que ce que je suis ceci, mais en même temps, il te manque toujours le petit peu d'énergie. Chaque fois que l'humain essaie de digérer son double anti-âme, chaque fois que l'humain essaie de digérer des mémoires incarnationnelles, passées, présentes ou à venir, chaque fois que l'humain est proche de l'éclatement, je t'ai expliqué qu'il y avait une courbe où il manque juste ce qu'il faut traverser, l'humain redescend encore un peu, et l'humain se sent angoissé, ce qui engendre différents problèmes de psychopathie, maladies psychologiques ou psychiatriques. Dans certains cas, lorsque l'humain est juste prêt, mais ça n'arrive jamais, sauf plus tard, il lui manque un confirmateur. Il lui manque un doigt sur la soupape. Et à un moment donné, l'humain arrive à un point culminant où il sent que ça vient. Il le sent, il le sent, il le sent un peu moins, il le sent un peu moins, puis c'est encore repoussé en avant. Et peut-être à chaque année, peut-être à chaque deux années, peut-être à chaque trois années, l'humain revoit encore la même chose. Puis là, lorsque l'humain est proche, je me sens fort encore. Il lui manque juste un petit quelque chose qui est extrêmement facile à trouver. Je vous dis pas comment, c'est facile à trouver, tout le monde va te faire. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des éclatements prévus dans la météo. OK. Ce que vous amenez comme information serait-ce une forme de thérapie et de rebalancement déjà en application dans d'autres galaxies? Bon, pas au niveau de l'astral, c'est en application dans l'avenir de la planète. Pas dans d'autres galaxies au niveau de l'astral. Les principes astraux ne sont pas les mêmes dans d'autres sphères, dans d'autres univers, dans d'autres micro-créations. Par contre, au niveau de l'avenir de notre planète, ce sont des choses qui existent déjà, c'est-à-dire que ça fait partie de ce qui va être utilisé dans l'avenir, donc utilisé présentement, mais que l'humain n'est pas encore rendu là, dans son déplacement temporel et spatial. C'est donc une des techniques utilisées dans l'avenir pour éliminer les derniers processus génétiques mal embouchés, c'est-à-dire pour retransformer les derniers vestiges dans la génétique de ceux qui se réincarnent. Parce qu'à un moment donné, j'expliquais en séminaire que l'individu absorbait des mémoires réincarnationnelles, mais qu'une grande partie de sa réincarnation, une des grosses parties, la plus problématique d'ailleurs, provient de ses cellules, ce sont ses lignées familiales. Et à un moment donné, dans la génétique, il y aura des lignées familiales qui vont ressortir, et dans l'avenir, on se sert de certaines formes de techniques de voyage astral faites par ce qu'on peut appeler des chirurgiens astro, pour aller défaire et reformer, faire une chirurgie plastique, pour aller reformer ces choses. Si tu fais un voyage astral et que tu modifies ton passé, est-ce que par la même occasion, tu modifies le présent et le futur de tes enfants? Absolument. Parce que ce ne sont plus les enfants de la même personne? Absolument. Sauf que tu ne dois pas le faire pour les enfants. Non, mais c'est un accident, c'est une conséquence. Absolument. L'aristocratie planétaire est-elle une religion mentale qui a déjà fait ses preuves cosmiquement? L'aristocratie planétaire peut engendrer une religiosité mentale, fait ses preuves cosmiquement, oui. C'est-à-dire que quand on parle d'aristocratie, on parle de personnages capables de contrôler le mental, de contrôler le système laryngé, la parole, de contrôler aussi la mécanique d'expression en vue de créer des expressions écologiques, logiques, dans le milieu, et nécessairement intelligentes. Ce sont des individus qui ne fonctionnent que par esthétisme. Qu'est-ce que c'est de l'esthétisme supramental? Il y a une nuance entre être mental et être esthétiquement esthétique. Alors, je suis propriétaire d'une maison, je décide de vendre la maison, puis il y a une petite vieille qui reste en haut, et puis le propriétaire qui vient me voir, il dit « Parfait, moi je l'achète, puis je fais un condominium. » Fait que je dis « Oui, mais la petite vieille qui est en haut, oh ben elle, elle est dans un hospice. » Si je suis mental ou intellectuel ou en affaires, ben je vais dire, de toute façon, c'est vrai, c'est son karma. Bon, ça fait 20 ans, peut-être qu'elle est là. Bon, elle est prise astralement, elle aime sa maison, elle est en amour avec parce qu'elle s'est incarnée dans les murs. Et là, je prends la moitié de la personne, puisque les murs vont rester là, puis je mets dans un hospice, ça ne pourra jamais se retrouver. Moi, je comprends, je sais. Et ce que je dis au propriétaire, je lui dis, il y a une chose qui n'est pas esthétique, de vendre la maison et de se foutre de la bonne femme en haut. L'esthétisme supramental, lorsque l'intelligence supramentale a du cœur, et c'est ce qui arrive à un moment donné au niveau de la religion mentale, on parle d'aristocratie planétaire, c'est que je vais dire au bonhomme, moi je te vends la maison, mais il faut que tu me reloges la personne dans un endroit qui va lui plaire. Ou encore, fais un condo avec toute la bâtisse au complet, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une solution esthétique, certaine, qui existe, on doit juste la respirer quelque part, la trouver. Mais je ne peux pas, je vais aller voir la personne, si elle accepte de déménager cette esthétique, mais je ne peux pas décider simplement comme ça que c'est son karma et c'est fini là. L'intelligence supramentale pure a tendance à se foutre royalement de l'humain. La problématique, c'est que si l'on veut créer dans le monde de la mort, temporairement, et finalement dans la structure mémorielle supramentale, qui est une mémoire galactique, de l'information où l'intelligence ne devient plus un cloueur de clous, puis c'était là, tout là, mais devient une mécanique capable de s'ajuster à une écologie planétaire, une écologie qui est naissante, qui est donc en phase d'évolution. Mais les premiers, les prémices, les aristocrates planétaires, et donc les chevaliers, comme on voudra, doivent nécessairement s'arranger pour transformer, c'est-à-dire digérer un peu la mécanique, de façon à créer des ajusteurs de pensée plus capables de travailler avec l'humain. Donc, on parle d'aristocratie planétaire, c'est celui ou celle qui est capable de travailler en fonction d'un esthétisme, une esthétique dans l'événement. Une esthétique dans la décision. Une esthétique dans la parole. Alors, on ne brise pas des formes à coups de masse. Il y a une façon esthétique de transformer l'ego d'un humain. On appelle ça de la démocratie, de la diplomatie. Mais c'est plus encore l'esthétisme. Alors, l'aristocratie planétaire, tout ce qui est en phase d'involution, fait partie d'une aristocratie qu'on peut appeler créationnelle. Mais c'est une aristocratie qui est en train de devenir déchue, c'est-à-dire qu'elle baisse en vibration et rendue à un certain niveau, elle remonte. Nous sommes rendus là, nous sommes les premiers imbéciles qui avons accepté de nous terrestrifier de façon à créer un contact entre la matière et de l'énergie qui engendre la matière pour saturer la matière de façon à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de création de matière pour parvenir à une régression progressive et complète du système créationnel. Or, l'aristocratie existe déjà, est en phase d'évolution. Sur le contexte planétaire, elle est en germination dans certaines consciences. Et progressivement, ça va venir. Pratiquement, quelle qualité essentielle doit avoir une personne pour faire un voyage astral conscient relativement raisonnable? Oh, ben, relativement raisonnable, ça veut dire n'importe quoi. Quelle qualité essentielle? Ne pas avoir peur, c'est la première qualité essentielle, parce que dans l'astral, vous ne risquez rien, sauf si vous décidez de vous détruire, donc si vous avez peur. C'est la qualité essentielle. Il y en a un paquet d'autres après, mais qui sont pas mal sur le même niveau, mais ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. On ne devrait pas avoir peur, même quand l'on vit réellement, mais dans l'astral, c'est la même chose, ne pas avoir peur. Mais si l'ego a peur? Ben oui, mais l'ego aura peur, on doit s'arranger pour avoir un ego qui n'aura pas peur. C'est la qualité, une des qualités essentielles. Que signifie un cauchemar où je sens la présence d'un nombre noir, du nombre noir menaçant? Aussi, il m'est arrivé dernièrement qu'on me touchait physiquement. Je me suis senti tiré par le coude. J'ai alors très peur et je paralyse. Bon, moi, lorsque j'étais jeune, je lisais Bob Moran et c'était l'ombre jaune. À l'époque, c'était pas les ombres noires. Alors, j'étais à plat ventre dans mon lit, je lisais. Et à un moment donné, je sentais le lit enfoncé sur un bord, puis enfoncé sur l'autre côté. Alors je me dis, c'est exactement comme quand j'embarque dans l'île de mon frère. Un pied chaque bord, pour y verser un verre de lait sur la tête. Alors, je ne vois rien autour de moi, mais je vois, me semble voir la déformation du drap. Il y a deux pieds. Alors nécessairement, je me donne un coup de poing, parce que moi, je n'ai pas peur. Et il n'y a plus rien. Puis j'ai l'impression que tout est revenu normal. J'avais un homard que ma mère avait ramené du je ne sais plus où. Et il y avait une pince que je plaçais toujours ouverte. Et les deux pinces étaient ouvertes. Bon. Et de temps en temps, quand j'arrivais après l'école, la pince était retombée. Alors je la replaçais. Et puis là, je tapais dans le mur. Je faisais vibrer un peu la queue du homard, voir si ça tombait tout seul. Là, ça ne tombait pas. Je me recouchais. Puis à un moment donné, le lit baissait d'un bord, baissait un peu de l'autre, le matelas, comme si quelqu'un montait. Je regarde en haut, la pince est tombée. Mais moi, je n'avais pas peur. Et à travers Bob Moran, l'ombre jaune et toutes ces conneries, j'ai fini aussi par imaginer des choses. Mais je n'avais pas peur. N'ayant pas peur, eh bien, je leur faisais des coups. Quand ça bougeait comme ça, je me levais la tête bien vite pour essayer d'y accrocher là, entre deux jambes. Et vu qu'il n'y avait personne, j'accrochais personne. Et finalement, ça l'a cessé. La personne ici, c'est un peu la même chose. Que signifie? Ça ne signifie rien. Que signifie que le fait que j'ai vu un chat passer? Probablement qu'il y a un chat qui passait. C'est ce que ça signifie. L'individu cherche toujours une signification kabbalistique. Dieu a inventé le chat, il l'a mis là uniquement pour que on l'a acheté au pet shop pour l'amener chez nous. Ils ont déménagé à côté pour que je puisse l'avoir passé, pour que ça me signifie quelque chose. Que signifie, bon, un cauchemar où je sens la présence d'un ombre noir? Si on sent la présence, ce n'est pas un cauchemar. C'est une réalité minimum dans le plan vital. Donc, il y a une entité qui se promène chez elle. Personne. Ta copie. Ah oui, bien, c'est ce que je dis. Bon. Ça, c'est rassurant. Ah oui. Aussi, il m'est arrivé dernièrement qu'on me touchait. Ben oui, bien, effectivement. Imaginez que vous êtes une entité qui rentre dans une chambre quelque part, puis quelqu'un qui est couché dans le lit. Peut-être ça va vous tenter d'aller le toucher, voir s'il est réel. Alors vous, vous posez la même question à l'inverse, mais c'est la même chose. Je me suis senti tiré par le coude. Imaginez qu'une entité du monde de la mort, de toute façon, elle ne restera pas longtemps chez vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine digestion dans le monde de la mort. Mais, présentement, elle se nourrit de vos émotions. Alors, il n'y a rien de pire que d'être en train de dormir, qu'on te tire. Alors là, tu sécrètes, tu émotivises les choses et tu les nourris. Présentement, vous êtes le propriétaire de la maison qui a décidé de nourrir le chat de ruelle qui est passé une fois. Qu'est-ce qui arrive? Il revient. Nourrissez-le pas. N'ayez pas peur, ne sécrétez pas, faites des conneries. Je le dis souvent, quand une entité approche, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est lâcher un gros pet. Ça revient à peu près plus jamais. Le pire, c'est que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on n'a tellement pas peur, finalement, ça va aller en terre ailleurs. Ah, il n'y a pas de problème. S'il me réveille à 3 heures du matin, il va avoir peur. Tu viens de dire que la clé de l'évolution supramentale, c'est de s'écœurer sans déprimer. Peut-on, dans cette même voie, s'écœurer sans faire de colère mentale, c'est-à-dire en laissant, je sais pas que c'est marqué, ou est-ce le médiocrisme qui s'exprime alors? En laissant faire. La personne qui s'écœure sans se déprimer et qui n'est pas encore rendue à la... qui est encore dans la phase de tolérance mentale, qui n'est pas encore parvenue à la phase d'intolérance mentale, où le mental en a marre, où ça devient illogique, où l'individu est finalement, disons, presque prêt, on peut même dire fin prêt, mais effectivement, l'ego, le médiocrisme, lui interdit encore de se libérer. Là, l'écœurement devient exponentiel, elle devient progressif. Et là, ça s'accélère. La personne ici n'est simplement pas encore tout à fait écœurée. Et quand elle sera écœurée d'être écœurée, elle rentrera dans la phase de colère mentale. Et c'est là le danger, surtout là qu'on peut se déprimer. Pourquoi? Parce qu'on a beau tout vouloir changer, il n'y a rien qui change. Mais non, c'est ça qui accumule l'énergie, la pression. Et l'individu, lui, veut faire une colère mentale, ça va atténuer les choses. Mais la colère mentale, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle transpose l'énergie dans le mental. Donc, elle interdit à l'astral de se servir de cette énergie-là. Elle conserve la pression, sans risque de la perdre. Mais quand on se déprime, c'est que l'énergie nouvelle qui rentre, on la transmet émotivement. On la transmet en chiolant, on nourrit le monde de la mort. Alors, l'individu est simplement pas encore rendu à cette phase de l'écœurement. Est-ce que tous les individus devront la vivre? Non. Il suffit qu'un éclate pour que les 10 qui vont éclater après éclatent 10 fois plus facilement, pour que par la suite les 100 autres qui vont éclater éclatent 100 fois plus facilement, pour que les autres n'aient pas à vivre des phases suprêmes d'écœurement. Et finalement, c'est de plus en plus agréable pour le reste de l'humanité. Comme d'ailleurs me disait une personne qui n'a pas tout à fait compris certains principes, elle me disait, ben oui, mais si c'est comme ça, moi je vais me suicider, puis je vais renaître dans 30 ans. Comme ça, il y en a des gens qui font ouvrir la porte, puis c'est plus facile pour moi. La problématique, c'est que cet individu est tellement évolué que si elle se suicide, elle se réincarne immédiatement encore d'un autre. Le monde de la mort, lui, est fermé. Alors, ça ne l'arrangera pas parce que déjà qu'elle a de la difficulté à se connaître, se suicide, paf, avec un autre. Alors, je ne suis pas toujours le même. Moi, j'ai déjà dit même qu'elle se réincarnerait dans PD. Bon. C'est intéressant. C'est le nom de la fille. Mais c'est des choses que l'humain doit conscientiser. Il vient à un moment donné où son évolution est tellement avancée qu'il comprend des choses et l'ego va dire, comme un autre avec qui s'appelle Marc, qui me disait, oui, mais moi, mon grand-père, pas Marc, qui s'appelle Michel, mon grand-père, moi, il fume sa fête, puis il se berce, puis il s'en fout de tout ça. Oui. Jusqu'au jour où, après 2-3 réincarnations, il va être pogné comme toi à se poser des questions. Parce qu'à un moment donné, l'individu qui décide de tout abandonner, de se laisser aller, ben, il s'y est fait aussi. La peur, non. Les clés d'évolution, éliminer l'ego, donc éliminer la peur, c'est d'ailleurs l'un des premiers morceaux. Cesser d'avoir peur du neuf, de l'inconnu. Et puis par la suite, on ne se déprime pas. La personne ici, peut-être qu'elle ne vivra pas l'écœurement de l'écœurement, tant mieux. Et elle n'est pas encore assez écœurée dans l'état actuel. Et quelqu'un dit, ouais, mais comment on peut faire pour s'écœurer davantage? Conscientisez-vous, vous allez voir, vous allez vous écœurer davantage. Et plus on voit clair, plus c'est écœurant. C'est des bons trucs pour ça, pour ceux qui en auraient. Parfois la nuit, c'est là, bien longue, là, je vais en faire un bout. Parfois la nuit, je fais des cauchemars, je me réveille et j'ai des visions dont je ne comprends pas le sens et cela est très insécurisant. Bon, j'arrête immédiatement là. Laissez faire le sens, laissez faire ceci ou cela. On peut interpréter la mécanique des rêves en fonction de l'individu, des mécaniques de manipulation, mais ce n'est pas utilisable dans la majorité des cas. C'est informatisable. Ça nous informe, mais on ne peut pas l'utiliser. Bon. Et évidemment, les personnes ont peur. C'est sûr, cessez d'avoir peur. La peur, c'est un parti politique galactique, PEUR. C'est parti étendu et universellement restrictif. C'est partout, puis ça restreint tout. Un nouveau club, ça. Oh, c'est ça, oui. Alors, ne faites pas partie de ce parti politique. On doit, la peur, il faut l'oublier. L'ego a peur, c'est sûr. Vous devez faire des conneries. Devenez jeune, amusez-vous. Achetez-vous un pistolet à eau. Descendez-le quand il passe. Parce qu'un vrai, c'est dangereux. J'ai déjà expliqué qu'il y a une personne que j'ai connue qui avait des entités comme ça qui se promenaient, qui levait ses draps. Puis... Alors, elle s'est couchée avec son 12. Au milieu de la nuit, il m'a donné le vu de main, se promener au pied de son lit, à attirer dedans. Puis ce temps-là, elle a les pieds qui manquent des orteils. C'est vrai. Elle avait une lévitation pédestre. Alors, vu que c'est une lévitation, nécessairement, elle ne sentait pas ses muscles contractés, ça se levait tout seul. Elle a tiré dedans. Avec un doux. J'en connectais les aridios par dehors. J'ai rêvé que j'étais en soucoupe volante, les portes étaient ouvertes et je me sentais aspiré vers dehors. Je suis parvenu à fermer la porte, je me suis réveillé dans mon lit en pleurant et j'ai eu très peur de disparaître. Bon, Premièrement, la soucoupe volante, c'est évidemment un déplacement rapide. C'est normalement symbolique d'une évolution rapide. Évolution dans laquelle il y a énormément d'inconnus. L'inconnu est symbolisé par la porte ouverte qui est le gouffre. Mais, comme je dis souvent, dans l'évolution, on tombe dans un gouffre, à un moment donné, un gouffre supramental, puis on ne devrait pas avoir peur de tomber, parce que le gouffre n'a pas de fond, donc on ne peut pas se faire mal. Alors, c'est une chose. Maintenant, l'individu qui a fait son rêve, elle est donc dans une mécanique évolutive, c'est-à-dire qu'elle est présentement dans une recherche, il y a quelque chose de fou qui se passe très rapidement, que son rêve symbolise un besoin, une attente, une insécurité, un besoin d'être sauvé, en même temps, un refus, on ne sait pas si on la sauve ou non, et énormément de neufs, d'inconnus qui vont arriver ou qui arrivent présentement. Je me suis réveillé une autre fois en pleurant, je sentais une énergie descendre dans ma tête, j'ai lutté contre cela en criant non, non, et j'entendais ma voix amplifiée de l'intérieur qui me disait vouloir m'expliquer ce qui se passait, mais je ne voulais rien entendre, je sentais une barrière entre moi et mon conjoint, et c'est cela qui me faisait peur. Bon, alors ça revient un peu à ce que je viens d'expliquer. Je me suis réveillé cette fois-là en voyant à travers la porte de l'autre chambre un faisceau de lumière dorée plein de petites bulles qui se dirigeaient. Arrête deux secondes. Oui. Imaginez-vous. Qu'est-ce qui vous arriverait si vous étiez capable de voir présentement à travers la salle ici un faisceau jaune avec des bulles, etc.? Bien, vous reviendrez tous à mes conférences. L'individu est toujours à la quête de quelque chose de formidable, puis quand ça lui arrive, c'est le premier à se garocher dans le fond des toilettes pour essayer d'oublier ça. C'est l'autre paragraphe. Moi, quand ça m'arrive, quand j'étais jeune, il y a des conneries comme ça qui m'arrivaient, puis j'étais emballé. Je prenais des photos. Il n'y avait jamais rien sur la pellicule, mais je prenais des photos pareilles. Je me suis réveillé cette fois-là en voyant à travers la porte de l'autre chambre un faisceau de lumière dorée, plein de petites bulles qui se dirigeaient chacune dans leur direction à des vitesses différentes. Certaines d'entre elles étaient très brillantes, je me suis caché et cela a disparu. Ce matin, j'ai vu au même endroit un faisceau lilas bleuté, plein de différentes formes géométriques qui flottaient. Je me souviens qu'il y avait des pyramides. Pourquoi je vois toutes ces choses? Parce que vous les voyez. Vous êtes dans la même condition qu'une personne qui est là puis qui se dit « Ah tiens, si on reformait le paquet de cigarettes de telle façon, on en vendrait plus. » Et c'est ça que ça fonctionne. Sauf que lui, il ne se dit pas « Pourquoi est-ce que vous, moi, que ces idées-là? » Pourquoi ça m'arrive, ces idées-là? À un moment donné, l'individu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit l'aura. Elle a accès à des sphères astrales. De temps en temps, ça peut être de la musique. Les musiciens, c'est ce qu'ils vont amener. On appelle ça la musique des sphères. Là, c'est l'image des sphères. Elle a accès à des visualisations astrales. Les petites bulles, etc., c'est normalement une radioactivité. Ce n'est pas radioactif, mais je vais faire un parallèle. Laissé par la trace du passage d'un ovni, qui est sans doute passé à travers la maison. Bon. Elle voit ce genre de choses. Pourquoi ça lui arrive à elle? Ça n'a rien à voir, ça lui arrive à elle, c'est intéressant. Elle devrait plutôt faire comme un enfant, puis être contente, satisfaite, être heureuse de voir ce genre de choses. Elle devrait s'émerveiller. La première journée qu'elle voit un papillon, elle tue. Oui, mais ça a une queue, ça a des antennes, ça peut piquer, ça... Non. Est-ce qu'il peut y avoir des dangers? Oui. Mais si l'individu n'a pas peur, il n'y a pas de danger. Même l'extraterrestre, s'il rencontre un terrestre extra, il ne peut rien faire. L'individu ne doit pas avoir peur. Et ce qui arrive à la personne, c'est rien de catastrophique, c'est correct. La seule chose qu'il y a, c'est que ce qui lui arrive n'est pas normal. N'imaginez-vous pas que je suis normal. Avec le fait que vous soyez ici, vous n'êtes pas normal. Bon, l'individu n'est pas normal et l'individu souffre de cette anormalité. Parce que si tout le monde vous verrait ce genre de choses, il n'y aura pas de problème. Alors, ça signifie quoi? Rien. Vous avez une capacité de voir certaines parties du monde astral. Vous avez une capacité de voir des traces auriques laissées par des choses. C'est correct. Les entités qui approchent les ci ou les ça, ou les cauchemars de ce genre, évidemment, ce sont des présences qui sont réelles dans le plan vital. On n'a pas peur. Imaginez qu'une entité qui n'a pas de corps physique, et regardez ceci. Vous avez un corps astral. Vous avez un corps vital. Vous avez un corps physique. En plus, vous avez un corps mental. Un léger contact avec le plan supplémentaire d'une parcelle, un pourcentage d'esprit. Puis un numéro d'assurance sociale. Oui, numéro d'assurance maladie. Maladie. L'entité qui vient vous voir... Peut rien d'arriver. L'entité qui vient vous voir... Non, en plus, il est pompier. L'entité qui vient vous voir, il a peut-être une partie astrale, il a un corps vital, comme vous. Il n'a pas de corps physique, il n'a pas de corps mental. Et vous, vous avez peur. C'est sans avoir peur. Qu'est-ce qui peut aider à atténuer ou se libérer d'une obsession, ou dit de façon plus ajustée, une manipulation plus forte qu'une autre, à une ou plusieurs ondes de forme, exemple nudité, télévision? OK. Qu'est-ce qui peut éliminer des inhibitions archétypales engendrées par l'éducation sociale? L'intelligenciation est la façon la plus douce, la plus plaisante, c'est-à-dire que progressivement, régulièrement, on trouve stupide d'être inhibé. On ne se trouve pas stupide, nous on veut, mais on trouve stupide d'inhibition. Et progressivement, on va pouvoir faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, jusqu'à un moment donné où l'inhibition va s'en aller. Mais encore une fois, ça demande de l'énergie pour démolir une inhibition, donc on peut avoir de l'énergie pour le faire, puis à un moment donné, ben là, on régresse. Puis quelques temps après, on recommence, puis ça va presque, puis on recommence encore à régresser. Alors, c'est une question d'intelligenciation, c'est-à-dire qu'on doit se désensibiliser. Ce sont d'ailleurs des programmations qui, dans la majorité des cas, sont totalement idiotes, mais qui sont quand même présentes, et sont même suffisamment présentes. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous voyez ça, vous, Robert Bourassa, qui remporte les élections, et qui se met à sauter d'un pied sur l'autre, puis à faire comme le gars qui sait qu'on a du fromage pour souper, là. Bon. Est-ce qu'on aurait... Quelle idée qu'on aurait de Robert Bourassa? On se dirait tout, peut-être Parizeau est meilleur. Même s'il veut danser au Fouquier, il ne pourra pas. Ça va être moins pire. Par contre, c'est une inhibition sociale. L'adulte devient normalement suffisamment cristallisé qu'il ne peut pas faire ça. Un adulte qui fait ça, on doute énormément de sa santé mentale. Pourtant, est-ce qu'un imbécile, on accepte ça à l'enfant, mais pas à l'autre? Souvent, on regarde, on voit une personne âgée et on dit « Crime, pourquoi elle ne s'habille pas de son âge? Tu veux ça, elle veut s'habiller jeune. » On parle encore une fois d'archétypes, de vieux stéréotypes d'imbéciles, d'inhibition. Il y a des personnes âgées, par contre, qui vont vouloir faire comme si elles étaient jeunes, se faire accepter par la jeunesse. Les jeunes, aujourd'hui, ils l'acceptent pour rire d'elle. L'humain a plein d'inhibitions stupides, intelligencer les choses. Chaque fois qu'on n'est pas capable, il faut qu'on trouve ça con de ne pas être capable, pas nous. Et c'est ça que l'humain a de la difficulté à faire, il se trouve con. Mais il est manipulé, c'est pas lui qui est con. Comment expliquer les exploits de David Copperfield? Est-il un homme nouveau? Ben, c'est facile à expliquer, on l'explique en parlant. C'est voilà. Est-il un homme nouveau? Non. C'est un magicien, un mystificateur, un truqueur, un génie. Il est arrivé quelque chose de bien dans la vie de David Copperfield, qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs. C'est quoi son vrai nom? Ça regarde pas grand monde. Parce que... Non, mais on ne le dira pas. Non. On lui fait confiance aux égaux. Un égo qui pose la question, c'est un égo qui va parler. Bon. À un moment donné, dans sa vie, il a été capable de faire certaines choses intéressantes avec la structure atomique des objets. Et par la suite, vu qu'il était lui-même magicien, prestidigitateur, donc trucard, il a su employer certaines de ces choses pour mystifier les gens. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a réussi très, très, très, très peu de fois, mais ça a été suffisant pour, à travers certains petits spectacles, au moment donné, il a improvisé ses tours, lui donner une notoriété intéressante. Mais étant donné qu'il réincarne énormément de mémoires de producteurs et surtout de réalisateurs de films d'Hollywood, il est l'un des rares prestidigitateurs à s'être risqué dans l'hyper-spectacle. Alors, par exemple, quand on le voit traverser la muraille de Chine, n'importe quel prestidigitateur de profession vont vous expliquer le truc qu'il a pris. Quand il lève un enfant en lévitation, bien, on le voit arriver avec ses deux mains, il accroche le crochet après la tête, ça, il a manqué son coup, il lève, il amène l'enfant, quand il dépose, il doit redescendre ses mains pour le décrocher. Et il descend la main après pour cacher son crochet. Bon, c'est génial, c'est très bien, très correct. Tous les trucs qu'il fait, même la Statue de la Liberté ou les Boeing, ce sont des trucages. À un moment donné, dans le triangle du diable, le triangle des Bermudes, il y a un bateau qui a fait réapparaître. Alors, il y a un immense trucage, plein d'hélicoptères, et puis il y a des piliers qui sont placés là, et puis on jette un drap. Mais si on remarque comme il faut, quand on voit le bateau, on se rend compte que les piliers horizontaux sont tous en haut du mât le plus haut du bateau, qui est un bateau à moteur, mais il y a quand même des antennes, et un mât radar. Alors, le bateau et l'écran de télévision vient capter les deux colonnes. Alors donc, tout ce qui est à l'extérieur, on ne le voit plus. De l'autre côté, on lève le rideau, le bateau passe. Il passe juste. Et par la suite, on laisse tomber les rideaux et le bateau est là. Bon, et les gens applaudissent. Pourquoi? Parce que les gens sont mystifiés par toute l'ampleur de son tour. Alors, David Copperfield est un bonhomme qui est intéressant. Il a fait certaines choses, mais à un moment donné, il en a besoin pour vivre, donc il n'est plus capable de le faire. Mais est-ce que c'est un être nouveau? Absolument pas. C'est un professionnel, par contre, du spectacle. Et... un homme qui a vécu certaines mutations, mais présentement, il sert uniquement dans le contexte planétaire à obliger certaines consciences humaines à douter de la réalité de la réalité. Et à croire la réalité de l'illusion. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi? Parce que d'une façon très spectaculaire, dans le spectacle, premièrement, il arrive à gagner sa vie d'une façon très intéressante, ce qui est déjà très spectaculaire aussi. Dans l'évolution, les gens, normalement, s'appauvrissent. Et lui, il instruit énormément de personnes. Attendez-vous à ce que ça se fasse. Parce que vous ne savez jamais si je l'ai fait ou pas. Mais plus que faire apparaître le lapin, etc. Le lapin, on ne sait pas ce qu'il fait apparaître ou non, mais on ne le regarde plus, tellement habitué. Les tours, les statues de liberté, ces choses-là, donc. Avons-nous une destinée? Bon, oui, vous avez une destinée. Et la question est, avons-nous, donc, c'est collectif. Effectivement, la collectivité a une destinée. Est-ce logique dans un contexte de supramentalisation? Supramentalisation? Exactement. Est-ce logique dans un contexte de supramentalisation d'oublier constamment même ce qu'on a appris récemment? Dans ce cas, est-ce utile de poursuivre des études? Peux-tu expliquer cette mécanique? Bon, c'est logique quand on comprend la mécanique. Ce n'est pas logique dans la logistique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le cerveau de l'homme, de la femme ou de l'enfant est en mutation supramentale, lorsqu'il y a une rationalisation du système neurologique, neuronique entre autres, il y a, lorsque l'on fait une dépolarisation, un contact se fait à travers des centaines, sinon des milliers de neurones pour aboutir à une onde, une image électromagnétique, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une dépolarisation, ça crée un champ électrique. Un champ électromagnétique est perpendiculaire à l'axone, au fil du neurone. Quand il y a énormément de neurones, ça engendre un champ électromagnétique qui est l'image mentale, qui est la pensée humaine. Mais pour que cela se fasse, bien souvent, il y a énormément de parasites, il y a énormément de chemin qui est pris. Dans le contact supramental, première chose qui va se passer, ça va être une surmyélinisation des axones, ce qui va réduire les champs électromagnétiques. Et progressivement, il y a, tout le cheminement complet va être réduit, coupé, pour le refaire d'une façon plus radicale, plus rapide. Ce qui va accélérer énormément la pensée humaine, augmentant sa conscience temporelle. Mais pendant ce temps-là, quand il y a des neurones qui sont coupés, des axones qui ne fonctionnent plus, des périphériques qui commencent à se créer, bien, l'individu qui normalement se rappelait par un chemin, là sur le bout de la langue, ne peut pas rien faire avec ça, c'est qu'elle l'a encore en trace astrale, mais elle ne peut pas le cérébraliser, le neuroliser, pour pouvoir l'exprimer par le centre laryngé. Donc, elle le sait, mais elle ne le sait pas. Alors, ce qui arrive, c'est une mutation. C'est donc obligatoire dans la structure biologique actuelle de l'homme. Et étant donné que le phénomène supramental fonctionne sur plusieurs centaines, sinon des milliers d'années d'évolution, ce n'est pas trop traumatisant que vous ne vous rappeliez pas où vous restez pendant une semaine ou deux. Et c'est ce que tout à l'heure j'expliquais, c'est que les ajusteurs de pensée ne sont pas suffisamment humanisés pour être capables de comprendre la problématique que ça donne dans le contexte planétaire qu'un humain ne se rappelle pas ou mettre la clé d'ignition dans son automobile pour démarrer son auto. Ou encore que l'humain stationne, puis quand il sort de son travail, il ne se rappelle jamais où est mis son auto. Là, il fait le tour des rues. C'est bon pour la santé, je suis d'accord, on peut en trouver des raisons. Tant mieux. Mais planétairement, c'est inefficace. Alors, la majorité des contactés dans le début sont inefficaces planétairement. C'est pourquoi ils s'approuvrissent bien souvent. Alors ça, c'est la mécanique. Qui crée cela? Logique, non. Mécanique, oui. C'est logique parce que mécaniquement, c'est comme ça. Est-ce que c'est intelligent? Non. Et à un moment donné, ça va changer. Là, se ramasser, séparé, c'est pas long. Aussi, essaye d'expliquer à ta femme que t'es pas revenu pendant deux semaines parce que ça ne rappelait pas où tu restais. Ça dépend. Si ta femme se rappelle même pas de t'avoir marié. Oui, c'est ça. La localisation est une focalisation. Actuellement, ma conscience est focalisée dans l'événement. Qui est dans quoi? La conscience dans l'événement ou l'événement dans la conscience? Ben, c'est à peu près exactement ça, c'est les deux. L'événement est dans la conscience est dans l'événement. L'événement n'existe que parce qu'il y a une conscience et la conscience n'est découvrable que parce qu'elle est exprimée dans un événement. Est-ce clair? Oui, très. Si j'ai compris, ça doit être bien clair. Il m'arrive souvent, avant de m'endormir, je sens que je vais tomber en bas de mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que la conscience astrale se place, la personne, elle a peut-être beaucoup d'inhibitions, enfin, elle a peut-être des peurs d'avancer dans la vie. Elle a peut-être, je dis bien, elle a des mémoires de cela, mais peut-être qu'elle ne le vit plus. Mais elle a possiblement peur d'une chute quelconque, psychologiquement. Elle a peur d'une défaite, d'un mariage manqué, il peut y avoir quelque chose du genre. Ce qui branche toujours, mais une chose certaine, c'est que l'astral, lorsqu'elle se couche, se branche toujours, coule à l'extérieur de son lit, c'est-à-dire que sa conscience s'éloigne lentement de son corps et descend à terre, donnant toujours l'impression de chute. Et comme ça vient proche du bord du lit, bien, elle a toujours peur de tomber. Alors, même si elle s'attacherait, elle vivrait sans doute le même phénomène, elle ne peut pas tomber. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est se mettre un matelas à côté du lit. Ou encore, on colle le lit sur le mur, puis on met les meubles de côté. Mais ça ne t'empêchera pas d'avoir le sentiment que tu tombes? Non, mais lentement, tu vas pouvoir dire, bon, ben, si je tombe, je tomberai, mais je ne peux plus me faire mal. Et puis là, elle s'entraîne. Elle roule, paf. Elle roule, paf. Elle roule, paf. Elle roule, puis son enfant Teflon tire le matelas. Paf. Elle peut expérimenter les choses, mais qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que son astral décolle rapidement. Et puis, elle a toujours cette vibration du départ par en bas, possiblement. Et c'est ce qui lui donne cette impression. Est-ce que tout ce qui se manifeste sur le plan de la matière terrestre provient du plan de l'astral? Présentement, oui. Y aurait-il des individus qui n'ont pas de corps astral? Présentement, non. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient en crime. Mais pas pour tout le monde. Pour deux ou trois individus, c'est extrêmement proche. Pour un plus que d'autres. Pour un deuxième, très, très, très proche. Un troisième aussi, plus loin. Il y en a deux beaucoup plus proches. Et leur corps astral va être totalement purifié. Donc, ils auront un double éthérique total. Ils auront une fusion. Donc, ils n'auront pas de corps astral dans le sens qu'on le conçoit présentement. Ils n'auront pas d'ego, Ils ne pourront y avoir aucune partie de leur énergie qui va gagner le monde de la mort s'il y aurait destruction du corps physique. Donc, ils vont devenir totalement immortels. Pas du corps atomique. Du corps physique, on s'en fout. En présentement, non. Ce serait prématuré d'ouvrir une bercerie pour faire des costumes pour le corps astro. Ouais, quelque peu. Ce symbole, ça ressemble à la lettre Q majuscule. Est-il dangereux si on le porte sur soi? C'est un cercle avec une barre. Voyez-vous, quand vous avez une cravate, vous portez un symbole. Quand vous avez une fermeture éclair après votre robe, votre veston, vos culottes, vous avez un symbole. Quand vous avez un bouton, 2, 3, 4, 15 trous, vous avez un symbole. Les symboles ont nécessairement une influence, mais l'influence peut être exactement comme si je prends un grain de sel et je le mets dans l'océan. L'océan vient d'être plus, d'augmenter en termes de salinité. Il est plus salé. Qui le saura? Pas grand monde. Mais c'est quand même vrai. Alors, ce symbole-là ici n'est pas péniblement dangereux pour l'individu, non. Comment faire pour se rendre dans les annales akashiques? Faire un voyage astral suffisamment conscient, voir le plan planétaire, descendre dans des choses planétaires que l'on connaît pour pouvoir vérifier qu'elles sont vraies, et de là cheminer avec la même perception, la même vibration de conscience vers l'information qu'on va aller chercher. On a énormément de fortes possibilités d'arriver dans la réalité mémorielle et non pas dans la mémoire émotive de la planète. Où se situe-t-elle? C'est le premier bastion du monde de la mort, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus bas, le plus proche du plan vital, le plus proche de l'homme. En haut, l'autre enveloppe du monde astral, c'est le mental planétaire. En bas, c'est la mémoire sans l'émotion. Est-ce que les annales akashiques sont dans des endroits interdits? Il y a énormément d'informations akashiques. Akasha veut dire mémoire du temps, placées dans des lieux interdits. Mais la majorité, pour ce que l'humain peut fouiller, c'est dans des lieux permis. Il y a certaines mémoires qui sont dans des lieux interdits. Quelle sorte d'énergie les constitue? C'est de l'énergie qui est vitale et qui a une correspondance astrale. C'est l'énergie qui est vitale, mais qui vibre à un niveau tel qu'elle est presque astrale, ou c'est de l'astral qui vibre tellement pas que c'est presque du vital. C'est là que ça se trouve. Je vais remodeler la question, parce que à cette question-là, je sais, peux-tu me donner une idée visuelle de celle-ci? Oui, tu le peux. Veux-tu me donner une idée visuelle de celle-ci? Donne-moi une idée visuelle de celle-ci. L'anal akashique est le récipient. Tout ce qui s'est passé dans le récipient n'est pas émotif. Lorsque l'on pénètre astralement dans le récipient, on a accès à l'anal akashique du récipient. Maintenant, on peut cheminer dans le temps, c'est-à-dire que dans la structure atomique, on va découvrir du passé. Et un passé de plus en plus lointain. Jusqu'à un moment donné, on va voir la structure de plastique se défaire. Et là, on se ramasse dans les constituants chimiques. Si un individu rentre dans une pierre, il rentre dans la akashique de la pierre. Alors, il pourra connaître son histoire anémotive depuis la création de ce qui a créé des atomes, molécules, finalement, qui engendraient la pierre. Et pour fouiller dans les annales akashiques d'une nation. Oui, bien, on va, par exemple, au Parlement, on va dans la banque mémorielle, on va dans les chaises, et on va vivre ce qui s'est passé. Par contre, on doit être capable, comme j'expliquais tout à l'heure, de partir avec des choses que l'on connaît pour être sûr qu'on n'est pas dans la mémoire de la chaise créée par un individu. Alors, un exemple qui peut se faire, c'est que je place... Si j'ai un contact à la Chambre des communes, je leur demande de placer telle chose, tel symbole, quelque part. Dans l'astral, je viens, si je ne trouve pas le symbole, ou il ne l'a pas mis, ou je ne suis pas dans la lala cachée. Lorsque je trouve le symbole, après ça, il me reste à regarder le film à l'envers. Si tu avais, par exemple, pénétré dans la mémoire de quelqu'un qui a déjà fait un voyage dans les annales akashiques avant... Tu n'es pas dans les annales akashiques, mais tu as accès à la mémoire des annales akashiques mêlée à l'interprétation qu'il en a faite. Si puis à ce moment-là, ça peut être mêlé d'émotions. Mêlé donc à l'interprétation qu'il a faite, s'il en a fait un. Si un individu, un raélien par exemple ou autre, peut-être est... Un raélien, est-ce que c'est un individu ou un collectif? C'est ce qui est marqué. Moi, je lis ce qui est marqué. Ou autre peut-être est reproduit par cloning, est-ce que le clone... Clonage. Je lis ce qui est marqué. Est-ce que le clone peut avoir droit de regarder la vie de celui ou celle qui est prototype? Ça peut arriver. C'est de toute façon ce qui va arriver un peu, c'est que dans la cellule, il y a la mémoire réincarnationnelle des lignées familiales, ce que les extraterrestres n'ont pas encore tout à fait compris. Mais j'ai expliqué que les Elohim, qui étaient une structure d'implantation de vie organique dans certains systèmes planétaires, dans le but d'engendrer des expériences, pas tout à fait une expérience, dans le but de protéger l'évolution corporelle permettant le contact avec l'intelligence supramentale. Les Elohim sont exclusivement mécaniques, exécutionnels. Ils n'ont pas besoin de comprendre tout ce qui peut arriver avec ça. L'individu qui se réincarne par clonage, dans le cas des Elohim, c'est du clonage agricole, ils en font réellement de la culture. L'individu qui se réincarne là, les familles génétiques vont se réveiller là, mais on n'aura jamais l'individu qui a donné sa cellule. Mais de toute façon, c'est uniquement en cas que le plan planétaire échoue. Serait-il néfaste qu'il le fasse, le clone? Non, parce que le clone, on s'en balance. Si cela était fait, ne serait-ce pas un fait réincarnatif? Effectivement, c'est un phénomène réincarnationnel des lignées familiales, mais pas de l'individu conscient, là. Il n'a pas suffisamment cellularisé la conscience qui l'habite. Tout ce qui est cellularisé se réincarne. Négatif, non. Dangereux, non. Ça ne dérange pas. Où c'est problématique, c'est quand l'individu, après avoir donné une cellule, décide qu'il n'a plus besoin d'évoluer, que c'est réglé. Son problème, c'est que sa cellule est réglée. Pas lui. Un disciple dit à un maître, « Je sens deux parties qui coexistent en moi. Une qui observe et une qui se sent concernée par ce qui lui arrive. » Le maître lui dit, « Ce sont deux parties de votre ego, sinon une autre ne poserait pas la question. Comment savoir si l'ego est scindé en deux ou s'il s'agit du mental et de l'ego? » Bon. Et le maître a raison, l'ego n'est pas scindé en deux, il est souvent scindé en plusieurs particules. Sauf que ce qui arrive, c'est que chaque fois que le mental fait une observation, l'ego est au courant. Alors progressivement, il y a un concept mental dans l'ego qui apparaît, c'est-à-dire l'expérience de la logifération mentale qui mémorise dans l'ego apparaît. Et là, ce qui va arriver, c'est que la partie qui se croit le mental, qui est de l'ego, qui expérimente la visualisation du mental, de l'ego, pose la question. Alors, le maître a raison, c'est effectivement que de l'ego qui parle, c'est évident, mais le mental, c'est lui qui a nourri la partie qui pose la question. Donc, vous avez un mental, ce qui fait que dans un dialogue, on peut aussi considérer que ton mental pose la question. Mais c'est l'astral mental qui pose la question. J'aimerais que tu donnes un cours sur le voyage astral. Quand on est supramentalisé, on donne rarement les choses, on les vend. Parce qu'on a une mémoire de l'historicité planétaire qui fait que tous ceux qui ont voulu aider l'humanité sont morts pauvres, crucifiés, pendus, brûlés. Bon, oubliés, on s'en fout. Alors, à un moment donné, dans l'évolution, les individus se disent, ils achètent de la bière, ils vont voir Pink Floyd. Ben, ils vont aussi payer pour apprendre maintenant. Ça avance. Ah, ils ont de l'argent en masse ou d'autres choses. La question n'est pas là, elle est mal posée, mais quand même. C'est possible qu'à un moment donné, il y a des choses sur le voyage astral, je ne garantis pas. Pas un cours que je vais donner moi, mais c'est possible que je laisse des traces pour qu'un individu puisse apprendre. C'est possible. Vous dites que les pensées ont de la puissance seulement par la parole. J'ai lu dans l'ouvrage... Ah, mais non, les pensées n'ont pas de puissance par la parole. La parole a de la puissance. Par les pensées, non. Non, non, la pensée n'a rien à voir avec ça. Donc, les pensées n'ont pas de puissance. Non. J'ai lu dans l'ouvrage de... Je te laisserai lire. Le diable pouvait détecter la pensée par la parole. Est-ce que le diable serait l'astral? Bon. Le diable, ce n'est pas l'astral. Mais le diable est nécessairement astral. Le diable, c'est une conceptualisation humaine. C'est un mélange de phénomènes belzébutiens, donc telluriques, planétaires, à... le mélange satanéen, donc astral, planétaire. Et le diable, c'est donc une fusion entre de l'astralité, de l'émotivité pure et de la vitalité. Le diable a pouvoir de motricité, de télékinésie, de psychokinésie planétaire. Bon, on parle de l'ouvrage de Pappus. Gérard Rencontre, c'est un personnage qui s'est fait connaître sous le nom de Pappus, mais qui, à son époque, était extrêmement coloré par la haute spiritualité. Et la parole, à l'époque, était encore un phénomène qui devait être d'argent. Le silence était d'or. Pappus est un bonhomme qui a travaillé énormément dans l'occultisme et qui, malgré qu'il ait amené des choses intéressantes, s'est fait charrier royalement par les forces occultes. Un personnage aujourd'hui qui, par exemple, lit tous les ouvrages de Gérard Rencontre ne pourra à peu près rien faire avec. Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre étape d'évolution, il est dans un autre monde d'évoluer. Lui, dans son temps, ce fut génial. Il vivait à quelle époque? Il vivait dans le passé. Correct. Il a fait des guérisons, il a fait différentes choses, puis dans ce qu'il a enseigné, c'est intéressant. C'est un amalgame de plusieurs phénomènes du passé réunis ensemble dans la conscience d'un individu. Alors, la parole, la pensée ne crée pas la parole. Par contre, quand on pense tout haut, je n'appelle pas ça la parole, je peux ça penser tout haut, on déblatère, on chiale, etc. Là, c'est des conneries, le diable, oui. Mais quand on parle, quand mentalement on parle, quand on s'écoute parler, quand on sait qu'on est là, on ne dit plus de sottises, c'est de l'intelligence qui passe. L'intelligence peut être colorée par une parole fausse. Mais encore là, si on s'écoute parler, on détecte les choses fausses, les choses inutiles. Si j'applique la technique que tu as dit pour aller dans les rêves d'une personne qui a des problèmes, en lui tenant la main par exemple, dois-je l'avertir à l'avance de ce que je ferai? Ce n'est pas nécessaire, ça peut être faisable. Si on l'avertit parce qu'on considère qu'elle peut accepter, elle peut facilement nous aider à pénétrer. Elle peut aussi avoir peur, être inhibée. Ce n'est pas nécessairement nécessaire de l'avertir. Si c'est le chef d'un enfant, par exemple, qui n'est pas conscient de ce qui lui arrive... C'est pas conscient, non. Mais par contre, on peut lui dire, bon, ben là, je vais aller rêver avec toi. Ça peut être suffisant. Mais... Est-ce qu'on peut tout simplement se coucher à côté, rien dire, puis... Absolument. Essayer d'embarquer, d'être à bord? Combien de fois, de nuit, cela peut prendre? Ça dépend du voyageur, ça dépend de l'autre, ça dépend de ce qui encarcanise, ça dépend des séquelles que celui qui va peut ramener. Il n'y a pas de temps particulier, ça dépend de la profondeur du voyage astral, ça dépend de tellement de choses. C'est efficace, ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que le fait de dire à l'enfant « je vais aller avec toi dans le rêve pour essayer de régler le problème » peut être suffisant parce que du même coup, tu informes l'astral que tu vas réagir? Est-ce que ça peut être suffisant pour que ça arrête? Ça dépend de ta puissance mentale. Si moi, je le dis à quelqu'un, ses problèmes sont réglés. Mais la personne, elle va dire « oui, mais quand tu n'es pas là, ça revient, c'est évident. » Alors, je n'ai pas été détruire le rêve. C'est préférable, donc, si par exemple, j'aurais travaillé avec un enfant, moi, je ne lui en parlerai pas. Et j'irai sans que ce soit prévu dans l'astral. Donc, je ne dirai pas, bon, ben, tel jour, je vais y aller, je vais me coucher, dormir, puis à un moment donné, j'aurai le goût. Ben, immédiatement, j'y serai. Alors là, je pourrai voir ce qui se passe, je pourrai transformer les choses. Et l'enfant ne saura pas, l'enfant va voir simplement avoir expérimenté que c'est fini. Alors, il ne pourra pas s'autoriser à revivre le même cauchemar vu que c'est fini. Si je lui en parle avant, le cauchemar ne sera pas là. Donc, il va simplement décoder que quand je rêve avec lui, ça va bien. Quand je ne rêve pas, ça revient. Alors, c'est pour ça qu'on veut faire. À quoi sert de crever? S'il faut renaître. Je suis pas sûr que c'est ça qui est écrit. À quoi sert de créer de nouvelles entités physiques, puisque celles-ci se réincarnent 24 heures sur 24 chez 5 milliards d'individus? À ce rythme, les réincarnations ne seront-elles pas épuisées? Non, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une mémoire quelque part et on fait des photographies pour vous les donner. Alors, est-ce que à ce rythme, est-ce que le négatif va t'épuiser? Non. À un moment donné, il faudra qu'on bousille les négatifs. Et c'est ce qui va arriver dans quelques années, où le monde de la mort commencera à se résorber. Pourquoi? Parce que des humains vont être capables de se servir de cette énergie pour la transformer en quelque chose de matériel ou en véhicule éthérique. Il y aura une mutation totale du monde de la mort. Là, les réincarnations vont cesser Les humains qui vont mourir vont se réincarner immédiatement parce qu'ils ne pourront plus aller dans le monde de la mort. Et il y aura un processus de disparition du monde de la mort qui va s'opérer. Tandis que présentement, non. Pourquoi? Parce que le monde de la mort, c'est des photos qu'on donne. Alors, hein. Est-ce que c'est la peur qui fait que je me rappelle... que je ne me rappelle pas de mes rêves? Ou est-ce que je ne rêve pas? La personne, elle rêve, elle fait les voyages astraux, sauf que ses voyages ne sont pas suffisamment conscientisés, denses, pour qu'il y ait un intérêt réel à ce qu'il s'en rappelle. C'est-à-dire que les voyages, ses rêves, n'impressionnent pas suffisamment sa substance astrale, son ego, pour qu'elle s'en rappelle, tout simplement. Quand tu rêves, mais que tu rêves plus des paroles ou des histoires, mais que tu rêves seulement de la matière, des couleurs, des formes, de la musique, mais très réel, de façon très dense, mais qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Tu peux pas dire j'ai rêvé, que c'est ça, il n'y a aucun événement. Tu es simplement dans de la lumière, tu es dans de la mémoire lumineuse, dans de la mémoire sonore, tu es dans l'astral quand même, sauf que tu te plais là-dedans et tu restes là. Lorsque je me réveille, je suis bien. Je m'endors en écoutant tes cassettes. Ah, ben c'est étonnant, ça. Habituellement, les gens, ils dorment mal et puis... Le voyage astral ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est pour ça que je t'endors. Est-ce que ça ne nous intéresse pas? Moi non plus, ça ne m'intéresse pas, le voyage astral. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est une peur cachée? Normal, normal. Est-ce que c'est naturel? C'est naturel, c'est ce qui vous arrive. Si un jour vous avez voyagé, vous voyagerez. Si vous n'avez pas à le faire parce que d'autres le feront à votre place, tant mieux. Tant pis. Mais ça donne-tu réellement quelque chose de faire le voyage astral? Oui, pour tous ceux qui en ont besoin, c'est extraordinaire. Pour tous ceux qui n'ont pas besoin, ce n'est pas. L'individu ne doit pas chercher à être intéressé au voyage astral. À un moment donné, peut-être qu'elle le saura. Peut-être qu'elle ne le saura pas. Parce qu'on en fout, un individu est mal pris. Il doit connaître une réincarnation pour s'en sortir. Et l'autre se dit, ouais, mais moi, je ne tombe pas pour moi de connaître mes réincarnations. Mais non, mais tu n'as pas besoin non plus. Ah, mais est-ce que ça signifie que j'évolue plus lentement? Non. Ah, j'évolue plus vite. Non. J'évolue pas. Non. Ah, mais je comprends plus. Oui. C'est simple. Simple. La personne, c'est correct. Elle en fait paisiblement, elle va dans des mondes qui l'intéressent. Elle est toujours heureuse dans ses rêves. Et quand elle revient, elle ne s'en rappelle pas pour la simple raison qu'il y a un contrebalancement au niveau de la gestion psychologique qui lui interdit de trop s'en rappeler parce qu'elle dormirait trop. Mais c'est correct. Le matin, quand tu ne vas pas te lever, c'est parce que tu es paresseux, peut-être. Encore, tu as le gazon à tondre, le travail à faire, le taux qui est gelé, c'est Mais si tu n'es réellement pas capable, tu essaies de te réveiller, il y en a qui mettent des cadrans, il y en a quatre dans la chambre avec des assiettes de tôle puis du change dedans. Oui, c'est qu'ils sont pas capables trop, de se réveiller. Ils refusent la vie matérielle, ils sont trop bien dans le monde de la mort. Normalement, ce sont des artistes. Des gens à caractère, je ne dis pas qu'ils font le métier d'artiste, ce sont des créateurs, des gens qui aiment aller voyager, on dit triper quand on parle mal le français, dans le monde astral. Alors, lorsque le cadran sonne, ils descendent légèrement, ils embarquent dans la main, ils lèvent la main, ils éteignent le cadran, puis après ça, ils repartent dans l'astral. C'est simple. Puis il y en a d'autres, c'est bien simple, ça sonne, ça sonne pas, ils sont pas là. Comment arriver à connaître les portes qui sont cachées dans les lieux interdits comme en Gaspésie? La question fondamentale qu'un humain devrait se poser, c'est est-ce que c'est utile pour moi de connaître ces portes? C'est justement ça qui est écrit ici. Là. Est-ce que c'est utile pour moi de connaître ces portes? Non! Et par la suite, elle devrait dire pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui est écrit juste en dessous. C'est ça. Et voilà. Parce qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que ce qui est caché là n'est pas pour elle. Qu'est-ce qui lui dit que c'est pas pour elle? Moi? Comment les franchir, de toute façon, même si c'est pas utile? Oh ben là, allez voir un maître, il va me le dire. Ta maîtresse, ça fait pas? Ta maîtresse, elle veut y aller. Connaître les portes qui sont cachées. Réincarner les individus qui les ont placés. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention. Est-ce que ça peut être trop puissant? Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée du tout. C'est qu'à un moment donné, l'individu se décanalise totalement dans sa conscientisation, dans son évolution réelle, pour s'en aller vers des trucs qui sont plus trippants. À un moment donné, je demande à des individus de faire un saut en parachute, histoire qu'ils expérimentent leur ego. Alors, quand ils sont prêts à sauter, ils se disent tous, « Bon, alors expérimenter l'ego, voir comment l'ego va réagir. » Tu regardes dans la bas, puis l'ego, tu le vois réagir. C'est une vraie farce. Plusieurs égos, l'ego qui te dit « Vas-y », l'ego qui te dit « Tu vas aimer ça », l'ego qui te dit « Saute pas le cave », etc., etc. Bon, surtout, tu vérifies ce qu'on est dimanche. Dimanche, il n'y a rien qui s'ouvre, hein, ça tu le sais. Parce qu'on saute pas en parachute le dimanche. Alors, tu vérifies plusieurs choses. Et puis, là, l'individu, le danger qu'il y a de ce genre d'initiation, c'est que l'individu saute, il expérimente l'ego. Lentement, l'ego s'habitue, l'ego aime ça, l'ego se sent comme un oiseau, l'ego se met à voyager astralement, il trippe, l'ego se plaît, l'ego en jouit, puis quand tu arrives en bas, l'ego, il se dit, « Hey, on recommence, tout au bout. » L'évolution là-dedans, quelle évolution, là? C'est correct l'évolution, là, tu sais, mais on devrait en faire plus souvent les choses de même. Le maintenant, ce qu'il recherche, c'est la sécrétion endocrinienne. Il est perdu. Alors, c'est la même chose. Les portes cachées, les ci, les ça, on peut y aller, c'est intéressant. C'est même très formatif. Bien souvent, on revient avec des morceaux en moins. On apprend. Mais quand l'individu finit par aimer ce genre d'initiation, il n'est plus initiable. Alors, on devrait le frustrer, lui dire, tu n'y vas plus. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu vas apprendre à tricoter. J'ai besoin d'un bonnet pour l'hiver. Ça me fait un tricot. Les petits points. Alors, pour l'aventurier astral, c'est fini. Aussi, une force quelconque, un message subliminal, ou je ne sais pas comment l'appeler, qui te pousse à aller dans oui, un endroit. Oui, je connais quelqu'un qui veut absolument aller sur une île. Oui, par exemple. Bon, à la recherche d'un trésor. Puis des pirates ont mis. Le pire, c'est qu'il a raison. Et je lui dis souvent, tu sais, un jour peut-être, si tu n'as pas à aller le chercher, parce que ce n'est pas évolutif pour toi, ah oui, mais j'irai en secret. C'est un des dangers. Où l'humain est canalisé vers quelque chose qui semble extraordinaire, une quête du Graal, qui ne le mène qu'à la distraction. Alors, les portes, etc. Moi, la journée qui vont s'ouvrir tout seul, les portes, là, puis qui vont me garocher le trésor. J'irai le chercher. Mais aller chercher les portes, ah ben là, moi je suis paresseux. Est-il possible que l'égrégore d'un hôtel ne favorise pas les conférences? Non. Il y a quelque chose d'autre, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est quelque chose qui ne regarde pas le poseur de questions. Ainsi, qui me regarde moi? Je n'aime pas l'égrégore du Holiday Inn de Longueuil. J'aime plus celui du Richelieu. Ressens-tu ça? Non, il y a beaucoup de personnes qui me disaient l'inverse dernièrement. Bon. Mais non. Vous allez aimer l'égrégore de Holiday Inn Richelieu lorsqu'il sera passé quelque chose dans l'univers. Et vous aimerez n'importe quel égrégore par la suite au niveau des conférences lorsqu'il se sera passé quelque chose dans l'univers. Et on attend après depuis quelques années. En tout cas, moi, j'attends après. Et ça va venir. Mais ça ne regarde pas les... Si la création est un accident créé par Dieu, Dieu est un accident. Mais non, ce n'est pas un accident créé par Dieu. Dieu est un accident. Ben, c'était ça. Dieu est-il un accident? Si Dieu est créé par l'homme, l'homme est-il un accident? L'homme est intentionnel. Yark. L'homme est intentionnel. La création est accidentelle et les dieux sont des petites... noix, des petites roches, des bouts de papier laissés par le petit pousset dans sa descente pour se rappeler du chemin. Alors il recherche à être le meilleur des tueurs, le meilleur des diables. Il recherche la magie noire. De la noire, il recherche la blanche. De la blanche, il recherche les divinités. Des divinités, il recherche Dieu. De Dieu, il va finir par trouver son esprit. Il remonte lentement comme ça le sentier. Si je ne suis pas cet accident, alors qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce que je suis? Le séminaire répond beaucoup plus à ce genre de questions. La vie n'est-elle pas un voyage astral que je fais exister par ma conscience? Si oui, la mort peut-elle m'éveiller du rêve de la vie? Non. La vie est un voyage astral plus conscientisé, plus dense que le voyage astral de la mort. La mort, c'est l'oblitération totale de la conscience, donc c'est par la vie qu'on continue. Dans ce voyage astral, on doit se réveiller à la réalité pour cesser de voyager dans l'astral. Alors, on ne sera plus émotif, on ne sera plus influençable, on ne sera plus assujettissable. Et c'est dans l'éveil qu'on le fait. Alors, notez qu'il n'y aura pas de conférence mercredi prochain, il y a des élections au Bangladesh. C'est donc un rendez-vous le 11 octobre prochain, ici même, à Longueuil, pour une rencontre qui aura pour titre le plus puissant concept du 20e siècle. Bonne semaine. Bon, deux semaines.